Et c'est ce à quoi vous serez interrogé la semaine prochaine, bi'nillahi ta'ala, avant qu'on commence notre cours. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيراً